J'étais maître en résistance. Je pourrais assurément recevoir un diplôme par reconnaissance d'acquis. Je blague, mais j'ai résisté à tout. J'ai résisté aux émotions, à la vulnérabilité, à l'aide. J'ai renié ma sensibilité, ma force de communication. J'ai eu honte de mon histoire. Je me suis reniée moi-même. Mais tous ces chemins m'ont ramené au fait d'accepter, non pas la mort de mes proches, mais ma réalité. En fait, ma définition d'acceptation se devait d'être redéfinie. La voici. Accepter, ce n'est pas être satisfait ou heureux d'une situation. Ce n'est pas vouloir que tout demeure. Accepter, c'est l'action de reconnaître ce qui est. Car on se doit de reconnaître et accepter afin de permettre la transformation d'un état ou d'une perception. Je vous partage donc 6 résistances intérieures trop souvent vécues dans la traversée d'un deuil. 6 principes à accepter afin de mieux traverser un deuil. Le deuil est une expérience inconfortable et douloureuse. Du moins, elle n'est jamais banale. Elle éveille en nous un espace de vulnérabilité, donnant une sensation de vertige intérieur. Instinctivement, nous cherchons à contrôler cet état, ce qui rend parfois l'expérience plus exigeante et plus longue à surmonter. En neurocoaching, il existe la notion d'acceptation. Évidemment, je ne parle pas d'accepter le deuil, la perte ou la mort de quelqu'un. Je parle plutôt de nos états internes. Il est possible d'alléger cette période en modifiant nos perceptions et en acceptant ces états tels qu'ils sont, sans les juger. Nous devons rester conscients qu'il n'y a pas 2 deuils vécus de la même façon. Chaque deuil est unique, mais que de manière générale, vous pourrez limiter vos résistances et cheminer de façon moins chaotique à travers vos étapes de deuil en étant conscient de ces 6 notions d'acceptation. La première chose à accepter, c'est que le deuil est un processus. Comparable au parcours du chemin de Compostelle, le chemin de deuil ne peut se faire sans avancer, un pas à la fois. Nous devons accepter qu'un deuil demeure un parcours rempli d'expériences, que nous ne contrôlons ni les tempêtes, ni les embûches, ni les ressources inattendues. Le début du parcours peut s'avérer plus abrupt, car c'est souvent en chemin que nous réalisons ce dans quoi nous nous sommes embarqués. La fatigue, le découragement, le goût de retourner au confort, la colère, l'incertitude sont souvent du passage lors de cette traversée. Mais si nous persistons, nous y découvrirons aussi, avec le temps, des présences inattendues et des forces intérieures insoupçonnées. Accepter que le deuil soit un processus devrait alimenter l'espoir qu'un jour, la douleur saura se transformer et s'apaiser. Le deuxième élément, accepter sa vulnérabilité. La vulnérabilité nous donne l'impression d'aller au front sans armure. Elle sollicite toutes nos ressources internes afin de développer de nouvelles forces à ce combat qui surgit en nous. Accueillir la vulnérabilité fait naître l'humilité, qui nous donne la force, le courage et la capacité d'affronter ce qui se présente à nous. La vulnérabilité et l'humilité sont des outils nécessaires afin d'apprendre lors d'une épreuve. Cette épreuve tend à nous amener à la profondeur de la vie et à nous éloigner du superficiel. Mais cette période propose toujours deux directions. La profondeur, par la vulnérabilité et l'humilité de reconnaître l'humain et les peurs vécues en nous. Ou la surface, par la résistance à ce qui est face aux difficultés et à la peur de ressentir. Accepter la vulnérabilité aiguise nos antennes, les rendant prêtes à détecter toute ressource qui rendrait possible notre propre victoire, la résilience, cette capacité de se relever suite à l'épreuve. La troisième notion, accepter afin de cesser la bataille interne, accepter nos états. Le choc, l'impact, la fatigue, la perte de contrôle, tous les mouvements internes peuvent provoquer des changements d'humeur constants. Tous ces états donnent la sensation d'une bataille. Durant cette période, il n'est pas approprié de prendre de grandes décisions. C'est plutôt une période où l'on doit accueillir ce qui se passe en nous. La tristesse, la colère, l'intolérance, les rires nerveux, les sensations de vide. Toutes les émotions se bousculent, nous faisant passer d'un état d'âme à un autre, même s'ils sont parfois complètement à l'opposé. On traverse des périodes d'incohérence et de contradiction. Habités par ces états, nous sommes aussi emprunts à des réflexions et à des discussions plus profondes. C'est à travers cette ouverture que de nouveaux liens avec les proches se tissent différemment. Quoi que l'on en pense, l'expression saine des émotions est positive et nécessaire. Elle permet à cette énergie de circuler et donc de guérir peu à peu l'impact du choc. Il n'y a pas plus épuisant physiquement que de réprimer l'énergie émotive qui circule en nous. Si cette énergie est retenue, elle influence nos choix, nos actions, nos pensées, nos relations. On doit apprendre à la laisser circuler afin de revenir à un état plus stable et plus calme. Accepter nos états, nos émotions, c'est diminuer les résistances intérieures. La quatrième notion, accepter l'espace de désorganisation en nous et pratiquer le lâcher-prise. La désorganisation est fréquente durant une période de deuil. Elle se retrouve parfois au niveau émotif et au physique. Cette désorganisation pourrait se comparer à une perte de contrôle avant de retrouver l'équilibre. Rien ne sert de se dévaloriser ni de se bousculer. Cette période n'est qu'épisodique. Perte de mémoire, manque de concentration, agitation, hyperactivité, engagement difficile à tenir. Cette étape nous enseigne le lâcher-prise. Il est illusoire de croire que la tentative de contrôler exercée avec tant d'efforts crée les résultats souhaités. Réaliser que l'on ne contrôle ni les événements, ni les émotions rattachées peut diminuer le déni ou la sensation d'inconfort. Sachez que cette désorganisation est normale pour un moment. Nous devons simplement l'accepter et viser plutôt de prendre soin de nous, de nous concentrer sur ce qui nous fait du bien. La nature est souvent source de calme et d'apaisement. Accepter l'espace de désorganisation, c'est sortir le drapeau blanc qui revendique la paix intérieure. La cinquième notion est d'accepter de recevoir et se reconnecter à la gratitude. Nous devons accepter de recevoir. On ne parle pas de dépendance aux autres ou de se déresponsabiliser. On veut dire accepter les attentions, l'écoute et les bons soins de nos proches. Habité par l'impuissance, l'entourage ressent parfois le besoin d'alléger notre quotidien, puisqu'il ne peut changer la situation. En période de deuil, il est fréquent de ressentir une lourdeur dans son quotidien, de ressentir qu'on a peu à offrir aux autres. C'est normal. Et c'est exactement à ce moment qu'il est temps de recevoir. L'aide de notre entourage ne changera pas la situation, mais elle permet à cette étape de nous concentrer sur ce qui se passe en nous. Acceptons de recevoir sans perdre notre autonomie, simplement en étant conscients de ce partage. Nous laisser habiter par la gratitude et par ces échanges permettra peu à peu de ressortir de la zone d'inconfort. Accepter de recevoir, c'est reconnaître inconsciemment l'importance de ces personnes dans notre vie. Pour cette sixième notion, qui demeure plutôt tabou, accepter de donner un sens à l'épreuve. Pas donner un sens à la mort ou au drame, mais plutôt à la souffrance qu'on a vécue. Concevoir de donner un sens à l'épreuve n'est pas obligatoire, mais c'est porteur d'éléments clés dans la recherche du bonheur. Inutile de préciser qu'il n'y a pas de temps propice à l'atteinte de tel objectif. On pourrait comparer cette étape à une récolte. Des mois, voire des années, peuvent être nécessaires à rendre le sol fertile. Plusieurs actions sont nécessaires afin d'atteindre un résultat. Cultiver le sens d'une épreuve aide concrètement la reprise de pouvoir sur sa vie, permet d'extraire les mauvaises herbes et de ne garder que les fruits. L'épreuve nous ayant obligés à développer d'autres techniques. J'adore l'analogie de l'auteur José Jacques comparant le deuil aux quatre saisons. Je me permets donc de reprendre cette image et de comparer à ma façon le deuil aux quatre saisons. L'hiver, le choc, sensation que tout se fige en nous. Penser qu'il sera impossible d'y récolter quoi que ce soit. La vie ne sera plus jamais la même en nous. Période froide, pensée restreinte, gel émotif. Le printemps. Tout à coup, le dégel survient. Le mouvement est plus facile. La lumière, le soleil nous permettent doucement de redécouvrir ce qui était enseveli, caché, et nous incite à revenir aux sources. Le travail est présent. Les émotions fréquentes pourraient se comparer à l'engrais nécessaire à une meilleure floraison. L'espace de récolte semble inapte, mais la mémoire incite l'espoir. Il y a déjà eu des fruits ici. Lentement, une petite action en suit une autre et nous permet de nous redécouvrir. La survie qui nous a habités nous permet un regard nouveau sur un simple bourgeon. Tout est lent à cette période, car c'est de l'intérieur que le plus grand de la vie émerge. l'été. Tout le travail sur mon terreau fertile porte fruit. Je récolte, j'apprécie, je revis. J'apprécie la chance du jardin passé, mais je reconnais maintenant que l'état de survie m'a permis de créer de nouvelles semences. Les nouveaux fruits me rendent plus confiante et plus grande comme personne. La mémoire de la douleur est présente, mais elle me propulse à goûter autrement les choses qui jadis étaient acquises. Je me surprends à sourire, à rire de bon cœur. Après avoir tant pleuré, n'est-il pas approprié de rire? Le moment présent est envisageable. Il me rend capable d'apprécier ce qui est. Malgré quelques journées de pluie où le doute s'installe, je désire m'investir à faire grandir la vie et le plaisir en moi. Le plus grand et le plus fort des arbres est né d'une toute petite semence. L'automne. Cette étape permet le recul. La période de labeur s'achève. On prend conscience des récoltes et on admire les transformations qui continuent de faire leurs œuvres. Les couleurs ont changé. Je prends conscience de ma valeur, de mes forces, pour avoir créé toute cette vie avec si peu. Je confirme qu'en effet, depuis l'hiver, la vie n'est plus la même en moi, mais d'une façon différente que j'avais pensé. L'épreuve nous a laissé des trésors cachés. Chacune des saisons a été complice à la naissance d'une nouvelle force en moi. Je me rappelle que cette terre ensevelie ne me laissait présager aucune éclosion possible. Alors, s'il y a une prochaine épreuve, l'hiver survient à nouveau, je me rappellerai. Je comprends ce que l'on voulait me dire quand on me répétait « Tu es si forte de traverser tout cela ». Car maintenant, avec ce recul, je réalise tout ce qui a dû se déployer en moi et toute la ténacité nécessaire que j'avais, sans le savoir, afin de traverser l'hiver et d'y faire renaître l'été. Car contrairement à notre Québec qui impose ses saisons au fil des mois, c'est nous qui devons prendre la décision de transiter d'une saison à une autre.